sinistre teintée avec un éclat métallique et sur cette étrange musique les dingueries la se lever. Tambour de basse calé leur train et les guitares forcenées grincées sous des mains obstinées et mes chansons et mes refrains mais mes chansons Ardentes voleuses en février et les suicides.